Béance Bitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. La suspension de vol de la compagnie aérienne Kenya Airways sur Bujumbura impacte négativement sur l'économie du pays. Dans ce journal, vous entendrez l'expert économiste Jean-Prosper Niyoboke. Le député Pamphile Maraïka, qui suit de près les questions relatives au secteur minier, appelle l'autorité compétente à vulgariser le code minier du Burundi. Il estime que la suspension de certains membres des associations minières n'est pas une priorité. De fortes pluies se sont abattues hier dimanche à Bugendana en province Bouganda en province de Chibitoke et Bugendana en province de Gitega, endommageant des champs de culture et détruisant des maisons. 10 enfants ont également échappé à la noyade sur la rivière Kagunuzi, c'est à Bouganda. Au sport, la cycliste burundaise Yvonne Iradukunda a remporté samedi la médaille d'argent, classée deuxième dans le championnat africain de cyclisme qui s'est clôturé au Caire, la capitale égyptienne. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Suspendre certains des membres des associations minières n'est pas une priorité. Par contre, l'autorité compétente devrait d'abord vulgariser le code minier du Burundi. C'est du moins la réaction du député Pamphile Maraïka qui suit de près le secteur minier. C'est après la réunion qui s'est tenue la semaine dernière au chef-lieu de la province de Ngozi. Une réunion qui était dirigée par le chef de l'État à l'intention de tous les intervenants dans ce secteur, au cours de laquelle il a été décidé de suspendre de ces associations minières les fonctionnaires de l'État, les policiers, les militaires et ceux œuvrant dans le secteur de la justice. On écoute le député Pamphile Maraïka. En partie, la mesure serait salutaire si c'était réellement ces catégories de gens qui causaient des problèmes, qui causaient le flou dans ce secteur. Mais moi, je trouve que la vraie solution résidait au niveau du respect du code des miniers. C'est-à-dire que le ministère en charge de la mise en application de cette loi devrait être responsable. Punir surtout les gens qui ne respectent cette loi au lieu de suspendre tout le monde comme si ce sont eux qui ne respectent pas cette loi. Je trouve que la meilleure solution était que le ministère fait respecter le code minier tel qu'il est conçu. Et je vous dirais que aussi les militaires, les fonctionnaires de l'État, ainsi de suite, ce sont des citoyens burundais à part entière. Si c'était eux qui faisaient cette exploitation, c'était bénéfique parce que l'argent qui résulte de ces minéraux arrivait directement dans la population. Mais si on met devant les multinationales, c'est vrai que ça contribue à la croissance rapide de l'économie nationale, mais il y a une grande partie de l'argent qui va aller au siège et qui devrait rester dans le pays. Quelque part, vous comprenez que si l'exploitation était faite par des locaux, c'était bénéfique par rapport à ces multinationales. Et en ce qui est des sanctions à l'endroit des responsables de certaines des associations qui n'ont pas encore rapatrié les devises des mines qu'ils ont vendues à l'étranger, le député Pamphile Maraïka trouve que ces sanctions devraient être prises également à l'endroit des organes qui suivent de près le secteur minier. Il faut remercier le gouvernement aussi sur le fait que d'ici peu, on va mettre en place des sanctions à l'endroit de ces coopératives et associations qui n'ont pas encore rapatrié les devises. Mais visiblement, on voit que au risque de punir uniquement ces associations, sans rien dire, sans rien faire sur ce qui était chargé du suivi, dès l'exploitation jusqu'à la commercialisation. Et c'est là où nous demandons à ce que même ce qui était chargé du suivi, il faut qu'il soit concerné par ces sanctions-là. En dernier lieu, je trouve aussi la vulgarisation du code minier. C'était aussi un préalable pour que la population sache le contenu bel et bien de ce code minier. Et nous avons vu que ça figure dans le plan national de développement du Burundi 2018-2027. Mais là aussi, c'est presque au futur. Il fallait que la vulgarisation soit mise en place, soit mise en œuvre en ce moment même où on veut décorer avec la croissance économique et aussi voir comment atténuer l'austérité que nous sommes en train de vivre dans ces jours. La suspension des vols de la compagnie aérienne Kenya Airways sur Bujumbura depuis vendredi de la semaine dernière impacte négativement sur l'économie burundaise. Affirmation du professeur d'université et expert en économie Jean-Prosper Niyoboke, qui trouvait que le gouvernement burundais devrait privilégier le dialogue avec cette compagnie kenyane ou avec le gouvernement kenyan. Suivez-les. L'impact, il est là, presque palpable. La CSI pourrait s'opposer en tant que chercheur. D'abord, c'est savoir quelles sont les raisons. Premièrement, on peut se poser la question de savoir est-ce que ces suspensions seraient d'origine un peu micro, se situeraient au niveau de la compagnie, de cette agence ou cette société de régulation. Ou tout simplement, est-ce que la question pourrait se situer au niveau de l'activité économique burundaise qui peut-être serait un peu en panne, ou serait une question qui soit un peu macro. Alors, de son niveau plutôt micro, ou serait le problème peut-être de mésentente, peut-être, je sais pas, ou de non-respect de certaines clauses entre la compagnie Kenya Airways et peut-être la SOBGEA et les autres partenaires qui se chargent plutôt des outils locales, qui se chargent de la gestion, de la régulation des vols. Là, il serait plutôt mieux que ces décideurs, plutôt ces gestionnaires, au niveau de ces futurs, puissent s'asseoir ensemble avec les gestionnaires directs de la compagnie, voir quelles sont les voies, les solutions pouvant être arrêtées pour que les activités de la compagnie puissent être redécollées donc comme avant. Alors, il se pose la question de savoir, en termes de fréquence, la compagnie Kenya Airways atterrissait au Burundi combien de fois par jour? C'est 2 fois, c'est 3 fois. Il faudrait connaître les fréquences. Et par rapport à cette fréquence, par rapport à cet atterrissage, en termes de volume, ils entrent donc en termes de recettes qui pouvaient générer l'économie burundaise, ça estime à combien? Les pertes sont là. Les pertes sont là, c'est palpable. Là, je parle au niveau du trésor public. Sans toutefois parler au niveau de la situation des opérateurs économiques en soi. Professeur, oui. Au sujet des recettes, le Burundi pourra faire recours aux exportations qui apporteraient oui. Des devises. Et lorsque vous dites que le pays pourrait faire recours aux exportations, c'est ça qui font les exportations, ça veut dire qu'il y a lieu de négocier les marchés. Donc, pour pouvoir bien exporter, il faudrait que ces opérateurs économiques puissent se déplacer. Il faudrait que les décideurs, les gestionnaires, tant au niveau de la compagnie Kenya Airways, qu'au niveau de ces structures, donc ces agences de régulation des vols, puissent se mettre ensemble, décider vraiment des solutions qui soient vraiment soutenables, donc à partir des conventions qu'ils avaient signées jusque-là, et essayer quand même de créer un environnement qui soit meilleur. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, 10 enfants ont échappé à la noyade hier dimanche dans l'après-midi à la rivière Kagunuzi. Nous sommes dans la commune Ebuganda de la province Chibitoke, au nord-ouest du pays. De fortes pluies ont également dévasté les champs de riz, de haricots, de bananeraies, etc. Les habitants se trouvent dans la détresse selon le chargé du développement à la commune Ebuganda, Jean Bosco Moussafili, qui demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Plus de 100 maisons, dont les boutiques, ont été détruites en commune Ebuganda de la province de Gitega. Le secrétaire communal de cette commune fait état des champs de culture vivrière et industrielle comme le café qui ont été endommagés. Jean-Baptiste Nizeluko appelle la population de Bugendana à la solidarité et aux bienfaiteurs de venir en aide à cette population sinistrée. Suivez. Il y a des sites qui ont été endommagés, entre autres le site de déplacés de Bugendana, où il y a 96 maisons détruites, les toits ont été décoiffés. À Litare, il y a 6 maisons avec toits emportés par le vent. Les 6 maisons, ce sont des kiosques. Il y a aussi, sur la colline de Litare, aussi une église adventiste du 7e jour. Son toit a été emporté par le vent. Sur le village du développement de Makaba, situé sur la colline Mourie, il y a eu 14 maisons détruites. Parmi ces 14, 4 maisons ont été toutes détruites, même les murs ont été écroulés. Il y a aussi des plantations de caféiers, d'hectares, on estime à 17 hectares. Le champ de culture de manioc où il y a une centaine de hectares qui ont été détruites par cette pluie diluvienne, et mille degrés bien sûr. Le champ de manioc comptait à 96 hectares aujourd'hui. Qu'est-ce que vous demandez à la population de Bugendana en général et aux bienfaiteurs? Venir en aide à nos cohabitants dans l'esprit des résidents de Bugendana. La commune a sensibilisé la population justement à intervenir directement sur les victimes. Nous sommes en train de mobiliser tout un chacun qui a des possibilités de collecter l'aide et de venir en aide sur ces gens qui ont été victimes. Mais bien sûr, nous demandons aux bienfaiteurs de venir en aide, surtout pour ces gens qui n'ont pas l'abri aujourd'hui. Les tôles ont été tellement endommagés à tel point qu'ils ne peuvent pas avoir où dormir. La mauvaise utilisation des antibiotiques entraîne de graves problèmes de santé. Dans un message de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, quand ces antibiotiques sont pris sans prescription du professionnel de santé, certaines maladies développent une résistance à ces antibiotiques. Docteur Machidiso Moeti dit qu'il faut toujours demander conseil à un professionnel de santé qualifié avant de prendre des antibiotiques. C'est au moment où du 12 au 18 novembre 2018, c'est la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Gertrude Mawenayo a lu le contenu du message, son reportage. Les antibiotiques sont considérés comme des produits miraculeux capables de sauver des vies, comme le dit la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique dans son message à l'occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Cependant, une fois mal utilisés, les antibiotiques mettent en péril la sécurité sanitaire, comme le dit Dr Machidiso Moeti. Elle explique que les antibiotiques commencent à perdre leur efficacité contre les infections résistantes et cette résistance qui surgit lorsque les bactéries deviennent résistantes aux principes actifs des médicaments font que les infections telles que la pneumonie et la tuberculose soient difficiles à soigner. Selon toujours Dr Machidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, les raisons de l'augmentation de cette résistance sont entre autres la prescription excessive par les professionnels de santé, un mauvais usage par les patients comme par exemple le non-suivi des conseils des médecins, mais également l'absence de nouveaux antibiotiques. Pour son, elle dit que les laboratoires et les chercheurs ont un rôle à jouer dans l'identification des bactéries résistantes et dans la présentation de la situation générale afin que le monde puisse prendre des mesures qui s'imposent. À travers son message, la directrice de l'OMS Région Afrique souligne aussi le rôle des hôpitaux et des centres de santé dans la prévention des infections en adaptant des pratiques d'hygiène et d'assainissement rigoureuses. Elle dit que pour que les antibiotiques soient donc efficaces, les patients ne devraient les utiliser que s'ils sont prescrits par un professionnel de santé qualifié et éviter de les partager avec leur entourage. Elle ajoute que des investissements sont nécessaires dans le secteur des médicaments pour fabriquer de nouveaux antibiotiques plus efficaces parce que depuis les années 1980, trop peu de nouveaux antibiotiques ont été produits. La semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques qui débute ce lundi 12 novembre jusqu'au 18 novembre 2018 sera célébrée sous le thème « Demandez conseil à un professionnel de santé qualifié avant de prendre des antibiotiques ». Merci Gertrude. Au sport, la cycliste burundaise Yvonne Iradukunda a remporté la médaille d'argent, classée deuxième dans le championnat africain de cyclisme qui s'est clôturé samedi au Caire, la capitale égyptienne. Le coach adjoint dans la Fédération burundaise de cyclisme indique que cette victoire est un signe d'honneur pour le pays. Minerve Karolero lance un appel au ministre ayant le sport dans ses attributions d'appuyer le cyclisme burundais. Les filles burundaises devraient également s'impliquer dans cette discipline. On l'écoute au micro de Jean-Marie Vianney Ndakouman. Cette victoire a honoré le pays, a honoré la Fédération burundaise de cyclisme. Ça faisait beaucoup de temps qu'on ne rentrait pas avec des médailles, mais quand même on participait. Ça a été une victoire que je dirais honorifique. Aujourd'hui, c'est vraiment une victoire qu'on peut chanter, même acclamer haut et fort. En tant que coach, quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour que Iradukunda Yvonne puisse décrocher cette médaille? Les stratégies sont nombreuses, mais dans toutes les disciplines, il faut avoir la discipline. Il faut chaque fois suivre les recommandations qui sont données par le coach. Il y a des jeux, il y a des obstacles qu'on peut surmonter et il y a même des oublis, on peut oublier si on vous guide. Ça vous donne le courage de remporter. C'est seulement ça. Le sport de cyclisme n'est pas développé dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette discipline puisse être développée? Le développement du sport cycliste, c'est un sport déjà qui n'est pas connu au niveau du pays, surtout quand ils sont faits par les femmes ou filles. Mais maintenant, c'est un sport qu'on doit faire parce que c'est un sport qui fait partie d'abord de la médecine. C'est un sport que tu peux utiliser si tu as mal au dos, ça finit sans prendre des médicaments. Et aussi, c'est un sport qui est dynamique. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour les prochaines compétitions? Il faut faire beaucoup d'entraînement. incite les directeurs des écoles qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour la promotion du sport. Et quel rappel pouvez-vous lancer aux autres filles qui minimisent leur discipline de cyclisme? Je ne dirais que les encourager, je vais les inviter, même moi qui suis entraîneur national adjoint du cyclisme. Je vais faire des clubs des filles, je vais les encadrer dans le cyclisme. En international et sans transition, Martin Fayourou a été officiellement désigné candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Décision prise à Genève par sept leaders de l'opposition ce dimanche 11 novembre. Le choix de ces sept principaux chefs de file de l'opposition est issu des négociations de trois jours, négociations facilitées par la fondation Kofi Annan. Le candidat de la dynamique de l'opposition ne faisait pas figure de favori face à Félix Tshisekedi. Tshisekedi de l'UPDS et Vital Kamerhe de l'UNC, mais à l'issue d'un vote, c'est bien lui qui a été choisi. À 61 ans, le député Martin Fayourou n'est sans doute pas le plus connu des opposants congolais, selon la Radio France Internationale. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine et à Kizimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.